toute l'actu avec Émilie Naka. Et salut Émilie. Salut Anto, salut à tous. C'est encore bien nuageux et pluvieux aujourd'hui dans l'ensemble. Les éclaircies devraient quand même réussir à percer en Bretagne, petit à petit sur les côtes méditerranéennes ou dans les régions du Grand Est. Elles seront plus prononcées dans l'après-midi. Pour les températures, ça remonte légèrement, mais ça reste bien frais en matinée. Au meilleur de la journée, on attend 11 à Strasbourg, 12 degrés à Brest et jusqu'à 18 pour Menton. La nuit a été compliquée dans le Var, le seul département qui reste en vigilance orange pour crue ce matin. Les autorités demandent de ne pas se déplacer dans ce secteur. Près de 400 personnes ont été évacuées dans le département à cause d'épisodes pluvieux qui ont fait monter les cours d'eau. Plusieurs interpellations après cette nuit d'Halloween. Des incidents ont éclaté en Essonne où un policier a reçu de l'acide. Des magasins également ont été pillés. Des débordements aussi à Metz ou à Lyon. Le ministre de l'Intérieur avait demandé une vigilance renforcée après l'appel à la purge des policiers relayé récemment sur les réseaux sociaux. Ça s'améliore un peu aujourd'hui sur la route. Profitez bien, si vous le pouvez, de ce jour férié. La journée sera plus calme avec du orange quand même en Île-de-France et vert partout ailleurs. Qui dit 1er novembre dit changement. Comme chaque année, une hausse d'abord. On en parlait hier. La facture du gaz sera plus chère. Les tarifs vont grimper de près de 6% en moyenne. Plus de 4 millions de foyers sont concernés. La prime d'activité, elle va augmenter de 20 euros par mois. Il s'agit d'un complément de revenu pour les petits salaires. À partir d'aujourd'hui, place aussi à la trêve hivernale. Jusqu'au 31 mars, les expulsions de locataires sont suspendues. Et puis, autre nouveauté, si vous voyagez avec Ryanair, à partir d'aujourd'hui, les bagages à main de plus de 10 kilos transportés en cabine sont interdits au sein de la compagnie low cost. Il faudra payer 8 euros pour pouvoir les emmener en soute. Allez, on dit stop à la clope. Jeudi 1er novembre, c'est le mois sans tabac qui débute aujourd'hui. Troisième édition cette année. Il y a 12 millions de fumeurs en France. Les femmes fument de plus en plus. Si vous voulez arrêter, vous pouvez vous inscrire sur le site Tabac Info Service au programme des conseils et des encouragements. Petite info pour vous booster ce matin. Un mois sans tabac multiplie par 5 les chances d'arrêter définitivement. La Coupe de la Ligue de foot, les nouvelles qualifications hier pour les huitièmes de finale. Guingamp est passé au tir au but après un nul 0-0 contre Angers. Ça passe aussi pour Nice qui s'est imposé 3-2 contre Auxerre. Deux pensionnaires de Ligue 2 se sont distingués. Orléans a signé un petit exploit en battant Reims, là aussi au tir au but. Lorient élimine Toulouse, 1-0. L'hécatombe des Français au Master de tennis de Paris-Bercy, ils ont tous été éliminés hier. Raphaël Nadal lui a déclaré forfait à cause d'une blessure. Il laisse sa place de numéro 1 mondial à Djokovic. Les huitièmes de finale débutent aujourd'hui. Enfin, une nouvelle série en vue sur Netflix. Le tournage de The Witcher vient de débuter en Hongrie, le sorceleur en français. Le héros sera interprété par Henry Cavill, l'acteur des Tudors ou le Superman de Man of Steel. Il revêt le costume de Gérald de Rive, un chasseur de monstres solitaire qui va rencontrer une puissante sorcière et une jeune princesse. Sur Twitter, on a même une première vidéo du comédien dans ce nouveau rôle et ça le change, avec une veste noire cloutée et une chevelure argentée. Bon réveil, bon début de journée sur Énergie. Bonjour Isabelle. Pas là. Bonjour Paulette. Non plus. Bonjour Glandu. Absent. Bonjour Nico. Pareil. Et bonjour Papa. La même. Allez, ça commence. Allez, bon réveil, c'est jeudi aujourd'hui, on est le 1er novembre, jeudi férié, c'est le best-of qui démarre, le meilleur de Manu dans le 6-9 et de ses ouin-ouin qui sont de retour évidemment dès lundi, en pleine forme, bien reposé après cette petite semaine de vacances. En tout cas, soyez les bienvenus, je m'appelle Anto, j'ai tout ce qu'il faut là ce matin, avec les concons du jour pour attaquer comme tous les jours à 6h10, on écoutera Kaigo et juste avant, on démarre officiellement ce best-of. Manu dans le 6-9, 0800 70 42 48. Appel gratuit. J'ai lu Cosmo. Bravo, Manu. Hey. Calmez-vous. Je ne l'ai pas lu en entier, j'ai enlevé les pages de pub. Du coup, après, c'est beaucoup plus facile à lire. Oh. C'est un peu ça, quand même, le magazine. Hein, c'est... Il y avait une discussion sur ce thème. Quelle est la chose la plus étrange qu'on vous ait déjà demandé? J'ai quelques réponses. Ma voisine, que je ne connaissais pas, m'a demandé d'emprunter une serviette de bain pour sa douche. Wow. C'est étrange. Ouais. Un de mes amis qui n'arrive pas à faire tomber sa femme enceinte m'a demandé si je le ferais pour lui. Oh. Purée. Oh là, c'est je vous avais annoncé le thème. Hein. Sympa. Ouais. Et un autre, un ami m'a une fois demandé de lui prêter 120 euros pour de l'urine lyophilisée afin qu'il puisse passer un test de dépistage de drogue. Voilà. Oh là. Oh, mais c'est, voilà, ça va très très loin. Ah ouais. Ma question est, avez-vous plus fort que ça? Ça va être dur. Quelle est la chose la plus improbable que quelqu'un vous ait déjà demandé? 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Glandu? Moi, une amie avec qui j'étais allé faire du shopping, elle m'a demandé d'essayer une jupe pour voir si à la fille à qui elle voulait l'offrir, ça allait lui aller. Parce qu'elle faisait la même taille que moi.

Si vous m'écoutez actuellement là à 6h10, soit cette soirée d'Halloween fut longue, soit vous bossez en ce jeudi férié. Dans ce cas-là, bon courage avec le meilleur de Manu dans le 6-9, que vous retrouvez aussi pendant les vacances sur Facebook. Il y a l'application aussi Manu dans le 6-9, vous pouvez laisser notamment vos messages vocaux, c'est Nico du web qui check tout ça. La preuve dans quelques minutes, avant ça on écoute Kaiser Panda. Et puis là comme chaque matin à 6h10, ils sont là, voici les cocons du jour. Manu dans le 6-9. Je vous adore les Voici comme chaque matin des gens improbables qui font des choses improbables, c'est les concours du jour. Yes. Nous démarrons par une compagnie aérienne qui a publié dans son magazine une interview de Drew Barrymore, la comédienne, ouais. Où elle dit qu'elle met fin à sa carrière, qu'elle a toujours échoué en amour et qu'elle est contente d'avoir perdu du poids. Eh ben. Oh. Petit problème, le magazine n'a jamais eu Drew Barrymore en interview. Et en fait, il y a un journaliste qui a écrit lui-même les questions et les réponses. Mais non. Voilà, alors évidemment, il risque un procès, hein, ouais. Mais c'est totalement improbable de faire ça. Incroyable. Je connais un journaliste qui va devoir traverser la rue pour trouver du travail. Hein, ah ouais. Ouh hey. Hey, blague politique. Oh, oh. J'avoue, avec une semaine de retard. Mais quand même. C'est bien. Bien, bien, bien. Ouais. Donc voilà, méfiez-vous des fake news, surtout celles qui sont vraiment pas discrètes. Quoi, oui, en fait. Oui, oui, oui. Deuxième concon du jour. Il y a une femme aux États-Unis qui trompe son mari depuis un an. Mmh. Ah, elle est avec son amant et ils décident d'aller à l'hôtel pour faire ce qu'ils ont envie de faire, évidemment, des petits scrabbles, des choses comme ça. Ouais, ouais. Pour aller à l'hôtel, ils disent on va prendre un Uber. Ils rentrent dans le Uber et là, le mec au volant est le mari de la femme. Non. Oh, mais ils ne pouvaient pas imaginer qu'il allait être au volant de ce Uber. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un ami à lui qui lui a prêté sa licence, c'est interdit, hein, ouais. En lui disant bah écoute, si tu veux te faire un peu d'argent, vas-y et tu prends ma licence et tu conduis la voiture. Oh là. Hasard, destin, je ne sais pas. C'est lui qui était au volant lorsque les deux sont rentrés dans la voiture. Ce couple, en fait, il nageait dans le mensonge, quoi. Exactement. Enfin, plus ou moins grave. J'imagine qu'ils n'ont pas fini la course, Burr. Alors, ils n'ont même pas démarré. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est qu'à cause de cette histoire, Uber donc s'est rendu compte du problème et ont viré le mec qui a perdu donc son boulot. Oh, oh là là. Rien, alors personne ne s'en tire indemne dans cette histoire. Ah, très très mauvaise journée pour lui, hein, quand même. Fondamentalement pour tout le monde. Hein, vraiment. Dernier concours du jour aux États-Unis, un homme organise une fête pour annoncer le sexe de son futur enfant. Il a une bonne idée marrante. Il remplit une cible avec de la poudre de feu d'artifice coloré sur laquelle il doit tirer au fusil. Du coup, la cible, elle explose en rose. Si c'est une fille, ouais. En bleu si c'est un garçon. Ah ouais. Donc il explique ça aux gens, voilà, ouais. Je vais tirer sur le feu d'artifice là-bas, vous allez découvrir le sexe de notre enfant. Ouais. Problème, il tire, la balle effectivement frappe la cible, mais la poudre ne fait pas du tout un feu d'artifice, elle s'enflamme, oh. Et elle brûle 19 000 hectares de terre, mobilisant plus de 800 pompiers. Oh, mais non. Le mec doit la somme de 200 000 euros. Oh non. Ça fait cher l'annonce quand même. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Pour le deuxième enfant, il fera un SMS, je pense, à tout le monde. Ça sera plus simple. Je sais pas si sa femme va pas dire, allez, on s'arrête là. En plus, on ne connaît même pas le sexe de l'enfant dans l'histoire. Ah, non. Oh non. Ouais. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu. Et les ouah ouah ouah. Énergie. I do it so long. Music only. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre,

Et bon réveil, c'est le best-of de Manu dans le 6-9. On va écouter Dadju juste après les infos sur Energy. Il est un peu plus de 6h30. Toute l'actu avec Émilie Naka. Elle est là. Salut Emilie. Salut Anto, salut à tous. Pour ce 1er novembre, le ciel reste gris sur la majeure partie du pays. Des nuages qui donneront quelques gouttes. Les éclaircies vont quand même tenter leur chance en Bretagne ou en Occitanie. L'ambiance, elle, reste fraîche, surtout dans la matinée. Cet après-midi, il fera 10 degrés à Montbéliard, 11 degrés au Havre, 15 à Montpellier, jusqu'à 19 du côté d'Ajaccio. Et ce matin, le département du Var est le seul qui reste placé en vigilance orange pour les crues. La soirée a été compliquée avec des centaines de personnes évacuées dans le secteur. La décrue quand même est amorcée. Aujourd'hui sur la route, globalement c'est plus calme. Si vous partez, c'est vert au niveau national. Il peut encore y avoir quelques difficultés avec du orange en région parisienne. On débute le mois de novembre avec son lot de changements. La facture du gaz d'abord sera plus chère. Les tarifs vont grimper de près de 6%. La prime d'activité, elle, va augmenter de 20 euros par mois. Autre nouveauté, dans certaines grandes agglos, les automobilistes pourront être verbalisés en cas de refus de priorité à un piéton. Et la sanction est lourde, ça peut valoir 6 points sur le permis de conduire. Comment lutter contre les violences à l'école? Le ministre de l'Éducation a dévoilé hier son plan d'action pour la sécurité dans les classes. Deux semaines après l'affaire de la professeure braquée en plein cours en région parisienne. Parmi les mesures évoquées, la mise en place d'une période probatoire lors du retour d'un élève qui a été suspendu. La possibilité de faire appel à un policier ou un gendarme en cas de tension a été confirmée. Les forces de l'ordre, si elles sont présentes, ne seront pas armées. Les nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, ça passe pour Guingamp qui a battu Angers au tir au but. Nice décroche son billet 3-2 contre Auxerre. Orléans et Lorient, deux clubs de Ligue 2, ont réussi à éliminer respectivement Reims et Toulouse. Enfin, rien ne se répand plus vite que la peur et vous avez été nombreux à en faire l'expérience hier à l'occasion d'Halloween. Jusqu'à la fin des vacances, certaines attractions vous proposent de repousser encore vos limites comme le manoir de Paris et son nouveau parcours terrifiant. Pendant 30 minutes, vous évoluez dans une maison peuplée d'étranges créatures contaminées par un virus qui a décimé l'humanité. À quelques courageux ont tout de même tenté de survivre à cet apocalypse. Très dur, très très dur. Ça arrive de tous les côtés. À un moment, on est passé dans un couloir, on regardait partout. Et en fait, il y avait quelqu'un qui était accroché au plafond et qui nous touchait les cheveux pendant qu'on passait. Donc ça, c'est vraiment très angoissant. Les acteurs sont excellents et ils font vraiment flipper. Il y en a des vraiment très moches. Ils sont hideux. Ouais, des pustules, ils ont des taches. Ils nous racontent qu'il explose de l'intérieur avec la maladie. On est vraiment pris dans le scénario. La mythique scène de la tronçonneuse qui est très bien faite. On est plongé dans une atmosphère assez spéciale avec du brouillard partout. Et puis là, on sent l'odeur de l'essence et la tronçonneuse qui se met en route et tout le monde qui crie. Et voilà. Ils s'inspirent de beaucoup de scènes de film. Du Shining, des choses comme ça, et surtout Walking Dead, quoi. Comme si tu rentres dans une série, enfin, on est vraiment dedans, quand on ressort, ça fait bizarre. Des propos recueillis par Morgane Barthélémy. Toxique, le nouveau parcours du manoir de Paris, c'est à découvrir jusqu'au 18 novembre dans le 10e arrondissement. Bon réveil, bon début de journée sur Énergie. Lundi matin, il sera de retour en pleine forme avec toute sa Dream Team de Ouin-Ouin. Retour de Manu dans le 6-9 et d'ici là, bah, jeudi férié. Bon réveil, bon courage à ceux qui bossent parce qu'il y en a le 1er novembre. Et oui, j'ai tout ce qu'il faut là ce matin, le café, les croissants et le meilleur de Manu dans le 6-9 avec les sondages du jour qui arrivent à 6h40. On écoutera aussi Dadju qui sera là à Cannes le 10 novembre pour l'Energy Music Awards. Et puis juste avant, direct, on enchaîne la suite de ce best-of. Manu et les Ouin-Ouin. Manu dans le 6-9 sur Énergie. J'ai le top 3 des choses qui nous stressent au quotidien. Ah bien, ouais. Ok. Je pense qu'on peut compléter cette liste. Vous pouvez commencer à nous appeler au 0870 40 48. Écoutez bien. Internet qui devient d'un coup trop lent, sans explication. Ah ouais, ah ouais. On fout ça. On est d'accord. Mais oui. Tu mets une vidéo, d'un coup ça s'arrête, et t'as le petit rond qui tourne là, le sablier de merde. Ouais. Tu sais pas pourquoi. Ouais, surtout dans le doute, t'ouvres une autre page internet qui, elle, fonctionne. Donc c'est juste ta page internet. Oui. Elle te provoque. Et tu recharges la page, mais elle veut pas avancer. Ah ouais, ça stresse. Alors, les enfants qui crient, c'est dans le top 3 aussi les choses qui nous stressent. Ah oui. Dans le TGV. Dans le TGV, c'est agaçant. Dans le TGV, tu as les deux vrais plaies du TGV, effectivement. Bon, c'est un enfant qui crie et quelqu'un qui mange une clémentine. Oh là là là là. Pas les deux réunis. C'est un. Oh là là, mon Dieu. Un enfant qui mange une clémentine en criant. Tu sors du train tout de suite. Mais je crois qu'on a le droit de tirer l'alarme pour ça. Ah ouais. Sûr. Ce n'est pas vrai de le faire. Attention quand même. Dans le top 3 des choses qui nous stressent au quotidien, il y a ne plus retrouver son portefeuille.

dans le 6-9 sur Énergie. Sur Énergie, on est en plein cœur du best-of de Manu dans le 6-9. Alors là, attention, Manu va donner une info qui clairement va changer votre journée, voire même votre vie. Et ça concerne une chanson qu'on connaît tous. Ce sera juste après DJ Snake et les sondages du jour. Manu dans le 6-9. C'est rigolo! Tous les matins sur Énergie. Comme chaque jour, voici pour vous les sondages du matin. Et aujourd'hui, des sondages spécial hommes. Ah. Vous allez en découvrir plus sur nous les hommes, les filles. Écoutez bien. 4% des hommes ont déjà checké les résultats d'un match de foot en étant à cet endroit. C'est pas beaucoup, hein. 4% des hommes. Dans quel endroit, Paulette? Un premier rendez-vous. C'est pas ça. Lors d'un accouchement. C'est pas lors d'un accouchement. Un mariage? C'est pas un mariage, c'est même... Si on dit que c'est pas le mariage, c'est un... Enterrement? Un enterrement, absolument. Ouais. Ah ouais? 4% des hommes ont déjà checké les résultats d'un match de foot à un enterrement. Putain, faut pas te laisser emporter par tes émotions. Alors, au milieu du discours, Françoise, on se souviendra de but! L'automne, c'est l'activité favorite d'un homme sur 6. Quelle est cette activité? Glandu? Des mots croisés? C'est pas les mots croisés. Si, c'est sympa, c'est l'activité que tu as chez toi. Alors, j'en fais d'un homme de moins de 75 ans. Isabelle. Bah, regarder des séries, tranquille. Non. Jouer avec une écharpe. Son écharpe. Jouer avec une écharpe. C'est vrai que souvent, avec Nico et Glandu, on s'appelle et on se dit tiens, si t'as rien à faire, si on allait jouer avec nos écharpes. Nico. C'est un truc que tu fais chez toi ou pas? Non, tu le fais en extérieur. Et uniquement à l'automne, donc. Uniquement à l'automne. C'est pas un peu cracra? Pas du tout. Non, ça a un rapport avec l'automne. Regardez les arbres rougir. C'était pas loin de ça, c'est un rapport avec les arbres qui rougissent, c'est shooter dans le tas de feuilles mortes. Ah ouais. Ah oui. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Et tu pries juste pour qu'il y ait personne en dessous, quoi. Qu'il soit caché. Ouais, ou de. Oui, enfin, qui se cache dans un tas de feuilles mortes? Les enfants parfois. Ah, les enfants. Ouais. Jamais... Quelqu'un a vu le petit Thomas? Oups. 30% des hommes avouent en avoir un.

Il y a eu quelques incidents durant cette nuit d'Halloween. D'abord en Essonne, où un policier a reçu de l'acide. Des magasins ont été pillés. Des débordements également à Metz ou à Lyon. Le ministre de l'Intérieur avait demandé une vigilance renforcée après l'appel à la purge des policiers relayé récemment sur les réseaux sociaux. Sur la route, il y a moins de monde a priori aujourd'hui. La journée sera plus calme avec du orange quand même en Île-de-France. C'est vert sinon au niveau national. Le 1er novembre et ses changements en vrac. On en parlait hier. La facture du gaz sera plus chère. Les tarifs vont grimper de près de 6% en moyenne. Plus de 4 millions de foyers sont concernés. La prime d'activité, elle va augmenter de 20 euros par mois. Il s'agit d'un complément de revenus pour les petits salaires. Et puis autre nouveauté, si vous voyagez avec Ryanair, à partir d'aujourd'hui, les bagages à main de plus de 10 kilos transportés en cabine sont interdits au sein de la compagnie low cost. Il faudra payer 8 euros pour pouvoir les emmener en soute. Après la déferlante pas de vague, tous ces enseignants qui ont témoigné sur Twitter en réaction à l'affaire d'une professeure braquée en plein cours en région parisienne, le gouvernement a présenté hier son plan sécurité dans les écoles. D'abord, les conseils de discipline pourraient avoir lieu beaucoup plus rapidement pour pouvoir exclure un élève sans tarder quand il y a besoin. Les forces de l'ordre pourront bien être appelées en cas de tension sur demande du chef de l'établissement. On passe au foot avec les nouveaux qualifiés pour les huitièmes de finale. Guingamp est passé au tir au but après un nul 0-0 contre Angers. Ça passe aussi pour Nice qui s'est imposé 3-2 contre Auxerre. Deux pensionnaires de Ligue 2 se sont distingués. Orléans a signé un petit exploit en battant Reims, là aussi sur tir au but. Lorient élimine Toulouse, 1-0. Il n'y a plus aucun Français au Master de tennis de Paris-Bercy. Le spectacle a été fade hier avec l'élimination de Richard Gasquet ou Gilles Simon. Raphaël Nadal lui a déclaré forfait à cause d'une blessure. Les huitièmes de finale débutent aujourd'hui. Federer et Djokovic sont en lice. Enfin, son côté nostalgique a séduit de nombreux abonnés Netflix. La série Stranger Things revient l'an prochain pour une troisième saison. Pour faire patienter les fans, les réalisateurs, les frères Duffer ont dévoilé un making-of du tournage. Elles ont aussi distillé quelques petites infos sur les nouveaux épisodes. Selon eux, la saison sera la plus horrible de toutes et sera même répugnante. En suivant entre autres les histoires d'amour, toujours entre Eleven et Mike. La vie de Steve après le lycée, dans la petite ville toujours de Hawkins. Bon réveil, bon début de journée sur Énergie. Jeudi aujourd'hui, le 1er novembre, jeudi férié, bon réveil, soyez les bienvenus. Je m'appelle Anto et c'est le best-of qui continue, le meilleur de Manu dans le 6-9 qui sera de retour dès lundi, en pleine forme après ce long week-end prolongé. Là, il y a Georges qui arrive pour la suite, notre intelligence artificielle, surtout connue pour être la plus embarrassante de France. D'ici là, on va parler d'un vol complètement improbable. Il y aura David Guetta aussi qui sera avec toi à Cannes pour les Energy Music Awards. Et puis là, 7h05, l'heure pour Manu de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Energy, Manu double votre salaire. Tous les jours à 7h05 et 8h05, deux fois par jour, on double votre salaire et pour ça c'est très simple, il suffit de vous inscrire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez peut-être une chance sur un million, peut-être que vous vous dites ça d'ailleurs, mais oui, mais prenez-la cette chance. Vous allez sur energie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69 et c'est ce qu'a fait Elodie. Elle habite Champigny-sur-Marne, elle a 29 ans et elle touche 1454 euros, c'est son salaire. Et Elodie, elle s'est dit pareil, elle s'est dit ouais, je m'inscris, on verra bien, ouais. Même si j'y crois pas. Et bien, il fallait y croire. Et t'as eu raison d'y croire. Et elle décroche. Allô ? C'est Élodie ? Oui. Élodie de Champigny-sur-Marne ? Oui. Dans le Val-de-Marne ? Exactement. Et Élodie ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Hey. Eh ben voilà, ah, Elodie. Ça y est, c'est fait. Ah, c'est trop bon. Merci, merci, merci. Tu touches chaque mois 1454 euros. C'est bien ton salaire ? Oui, oui. Eh ben, je vais le doubler. Ton salaire, ça va être... merveilleux. Ça va être 2908 euros pour toi. Ah, c'est génial. Merci Manu, merci toute l'équipe. Alors, Elodie, écoutez bien son métier. Ouais. Tu es soigneur animalier aux Hauts de Vincennes à Paris. Oui. Mais c'est un énorme zoo, ça, non ? Ben, c'est, ouais, c'est quand même pas c'est, mal, ouais. Mais c'est pas le zoo qui avait été fermé, qui avait été réouvert et qui avait été complètement réaménagé, tout ça ? Exactement, on a réouvert en 2014. Et toi, t'es soigneuse, on dit soigneur, soigneuse, on dit quoi ? Soigneuse, ouais. Soigneuse, ok, très bien. Ouais. Médecin des animaux, quoi. Et tu soignes. Il y a des animaux précis que tu soignes ou tu les soignes tous ? Alors, moi, je m'occupe plutôt des carnivores, donc loups, lynx, gloutons et loutres. Oh. Mais j'ai aussi les oiseaux et les reptiles. Oh la vache. Ah ouais. Ah les loups, tout ça les... ouais. T'as déjà eu très peur? Une grosse frayeur, non, pas vraiment, mais c'est vrai que par exemple quand on nourrit les vautours tout l'été, ils ont tendance à défendre un peu leur nid et du coup bon, faut faire attention, mais pas. Mais excuse-moi, voilà. C'est une question con, mais un loup, en fait, tu quand tu le soignes, comment tu lui expliques que, bah déjà j'imagine il a pas de carte vitale. Non mais comment tu expliques à un loup que tu le soignes? Ben en fait, on les habitue à rentrer dans les bâtiments tous les jours avec la nourriture, du coup on devient quelque chose de positif pour eux. Ouais. Et ils n'ont plus peur de nous, et à force ils rentrent dans les bâtiments, et on peut du coup les anesthésier s'il y a besoin de faire des soins, etc. Ah, oh, ok. Mais Elodie perd quand même 3 à 4 collègues par an. Et il y a des animaux rigolos dont tu t'occupes? Rigolos, bah, les loutres. Souvent les gens aiment bien les loutres. Oh, c'est, ah oui, la loutre, ouais, je vois, c'est comme une sorte de pingouin, quoi. Enfin, non, non. Ouais, il va falloir réviser, venir nous voir. Ouais, ouais, enfin, ça, c'est rigolo, ça nage, quoi. Et ça... Ouais, bon, c'est ça, ça nage. Ça a une moustache, quoi, non, c'est ça, la loutre. C'est mignon. Ouais, je vois. Ça, ouais. Paulette, qu'est-ce qu'il y a? Et Elodie, c'est câlin, une loutre? Parce que moi, j'ai toujours voulu faire un petit câlin à une loutre. Alors, c'est joli, hein, les vidéos sur Internet, hein, mais les loutres, ça dépend. Bonne petite dent quand même. Hein. Ah d'accord. Donc c'est alors pas... je te présente mes loutres si tu veux, mais pas de câlin. Ah pas de câlin. Ouais, ouais. Ah d'accord. Ah ouais. C'est dommage. Hein. On croit des fois qu'il y a des animaux, ils sont tout mignons, mais en fait ils te mangent. Effectivement. Elodie, on te double ton salaire. Bravo à toi. 2908 euros. Ça arrive très vite. Ah c'est génial. Merci Manu. Merci toute l'équipe. Je vous écoute tous les matins. Et c'est vraiment super fort de vous avoir juste au téléphone. Merci. Tu veux dire que parfois tu fais écouter notre émission aux loutres? Non, parce que ça expliquerait pourquoi elles veulent te manger. Hein. Ça peut arriver. On t'embrasse, Elodie. Bravo à toi. Merci, Manu. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. I don't wanna lie, can we be honest? Right now, why you're sitting on my chest? I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV. Don't you ever go. 7h11 sur Énergie, best-of de Manu dans le 6-9. Et on va parler d'un métier insolite, mais finalement pas tant que ça. Un lendemain d'Halloween, il y aura Georges aussi, notre intelligence artificielle qui est surtout connue pour être la plus gênante de France. L'appel automatique de Georges, autre Georges, Georges Ezra, ça c'est pour les hits. Et juste avant sur Énergie, suite de ce best-of. Énergie, Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il y a des fois dans la vie des vols totalement improbables. Tu ne sais pas pourquoi les gens volent ça. Ah oui. Ouais. Aux États-Unis, dans la ville de Philadelphie, un insectarium a été volé. Un insectarium, c'est comme un aquarium, oui, sauf que c'est pour les insectes. D'accord. Et les gens visitent. Ouais. Ils ont volé 7000 insectes vivants. Oh. Oui. 7000. Ouh là là. Les cambrioleurs ont pris des cafards, des tarentules, des scorpions, des mille-pattes et des blattes. Valeur du butin, 40 000 euros. Waouh. La question c'est, qui veut ça chez soi? Ah ouais, c'est bizarre. Je pense qu'ils préparent un coup, Manu. Un coup de quoi? Je sais pas. Un coup. D'accord, merci. Hey, super enquête, Isabelle. Ouais. Inspecteur, je crois qu'il prépare un coup. Ah bon? Un coup de quoi? Ah, aucune idée. Merci d'être passé ce matin, Isabelle. Je t'en prie, Manu. Ouais. Paulette? Non, mais je vois où elle veut en venir. C'est-à-dire, il veut lâcher les bêtes chez un voisin qu'il aime pas. Et ouais. Ah ouais. Ça fait beaucoup, 7000 insectes. Ouais, ouais. Hein, quand même. Ce qui me choque surtout, c'est le prix des insectes, quoi. Même si on a beaucoup, 40 000 euros. Bah, 7000 ouais, insectes. Ah oui, mais c'est quand même énorme. Je savais pas que ça coûtait si cher. Bon, on a trop parlé de ce bonheur. Ouais. Manu dans le 6-9, sur Énergie. Music only. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Ça y est, que demain. Ça y est, que demain. Ça y est, que demain. Demain, demain, demain. La nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, mais j'écoute rien, rien, rien. On dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, mais j'écoute rien, rien, rien. To see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. I'm feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Jeudi férié, 7h18, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 et on va parler d'un métier qui de base peut paraître insolite mais qui en période d'Halloween ne l'est finalement pas tant que ça. Vous allez comprendre dans quelques minutes avant ça VG Dream et puis là je l'avais promis, voici l'appel de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France aujourd'hui est très gentille puisqu'elle appelle quelqu'un pour lui dire que les travaux chez lui vont pouvoir commencer. Oh là là. Voilà, et que la commande a été validée. Ouais. C'est sympa, sauf que la personne, évidemment, n'a pas préparé de travaux. Elle n'avait rien commandé du tout. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, ceci est un message automatique. Je vous écoute. Nous avons validé le devis des travaux de votre domicile. Ah, je crois que vous êtes trompé de numéro. Récapitulatif du devis. Non. Recouvrir votre jardin de béton pour en faire un terrain de basket. 14 000 euros. Ah non, c'est pas du tout chez moi. J'ai aucun travaux à faire chez moi. Choix validé. Suite du devis. Voyez avec votre commercial pour qu'il vous confirme le numéro de téléphone. Remplacez votre garage par une grange avec des moutons et des chèvres. 22 000 euros. Non, non, c'est pas chez moi. Validez-vous ce choix ? Non, moi j'ai un bâtiment qui va être transformé en grange, mais c'est pas un garage. Choix validé. Avez-vous déjà du bétail pour occuper la grange ? Ah non, moi j'ai rien de tout ça. Nous vous offrons l'option 15 moutons et 18 chèvres. Livraison prévue demain. Ah non. Oh là là. Il aime pas les animaux. Hein. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Et ça c'est le jeu de gagnant. Allez les bleus, allez, fais-toi presser le moment. Allez les bleus.

les journées exceptionnelles à la Grande Récré, des promos tous les jours. Du 1er au 4 novembre, bénéficiez d'une remise de moins 25% des 50 euros d'achat. Oui, moins 25% à partir de 50 euros d'achat. La Grande Récré. Hors livres, jeux vidéo, tablettes et cartes cadeaux. Offre non cumulable, liste des magasins participants sur lagrande-récré.fr. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh ben ils ont élu Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous patron ? Bah on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 000 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr. La bonne idée débute avant Noël, et ben justement, c'est l'arrivage Noël avant Noël. Hein, malin, hein? Avec des prix choc, pour faire des cadeaux à tout le monde. À tout le monde! En ce moment chez But, profitez des prix choc sur une sélection de produits. Faites vite, il n'y en aura pas pour tout le monde. But, des prix et des idées tous les jours. Quantité limitée, voire produits concernés en magasin et sur But.fr. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Et c'est le best-of qui continue en ce jeudi férié. Le meilleur de Manu dans le 6-9. On va écouter Calvin Harris et puis les infos sur Énergie. Il est un peu plus de 7h30. Toute l'actu avec Émilie Naka. Et salut Émilie. Salut Anto, salut à tous. Le mois de novembre débute sous la grisaille et la pluie globalement. Les éclaircies vont revenir quand même, surtout dans le sud, la Bretagne ou les régions du Grand Est. Elles vont tenter de percer d'ici la fin de journée. Et puis il fait froid toujours le matin, ça remonte très légèrement en journée. Cet après-midi, il fera 11 degrés à Rouen, 13 à Lyon et jusqu'à 20 degrés du côté de la Corse. Prudence toujours dans le Var, le département est le seul qui reste placé en vigilance orange pour les crues. La soirée a été compliquée avec des centaines de personnes évacuées dans le secteur. La décrue quand même est amorcée. En ce jour de la Toussaint, jour férié, c'est plus calme sur la route, c'est vert au niveau national. Il peut quand même y avoir quelques difficultés avec du orange en région parisienne. Le premier jour du mois de novembre, synonyme de changement, la facture du gaz d'abord sera plus chère. Les tarifs vont grimper de près de 6%. La prime d'activité, elle va augmenter de 20 euros par mois. Place aussi à la trêve hivernale, les expulsions de locataires sont suspendues jusqu'au 31 mars. Paris et Londres réunis pour attirer les jeunes touristes américains. Un partenariat est lancé entre les offices de tourisme parisiens et londoniens avec Eurostar. Objectif donc convaincre les jeunes générations US qui ont tendance à remettre à plus tard leur voyage. Paris et Londres mettent en avant leurs atouts via une campagne de com. Deux villes qu'on peut visiter en une seule fois, séparées par 2 heures d'Eurostar. Globalement, seuls 8% des Américains ont déjà visité les deux capitales européennes. Profitez du spectacle et gardez des souvenirs dans sa tête plutôt que de tout filmer. C'est ce que veulent certains artistes aux États-Unis qui imposent des pochettes sous scellés à leur public. Ce sera aussi bientôt le cas en France. L'humoriste Florence Foresti lance le dispositif. Elle fera placer son smartphone dans cette pochette qui sera débloquée à la fin du show. Enfin, 60 minutes pour sauver votre peau. Pendant les vacances, les Escape Games surfent sur la vague Halloween. À Paris, par exemple, dans le jeu Instinct de survie chez Living Room, vous devez échapper au tueur en série du film d'horreur Saw. Corps démembré, sang sur les murs, l'expérience a été synonyme de terreur pour Salomé, Maya et Pierre-Luc. J'étais complètement paniquée au départ avec la personne qui nous a mis en immersion parce que pour le coup, il a un réel don et un jeu d'acteur assez impressionnant. On est enfermé, on est menotté, on connaît pas l'espace. Et ensuite, voilà, il y a vraiment des accessoires au sol, sur les murs, qui font que ben on se sent dedans. La quête première, c'est déjà de pouvoir s'échapper de ces liens. Et une fois qu'on est réussi à tout le monde à libérer tout le monde, parce qu'en fait, chacun, la libération de l'un dépend un peu des éléments que l'autre a en sa possession et déjouer les pièges un petit peu machiavéliques qui sont tendus au passage. Un reportage de Morgane Derrien. Living Room se situe dans le 17e à Paris. Expérience à éviter pour les plus froussards. Bon réveil, bon début de journée sur Énergie. Halloween pour Manu et ses ouin-ouin, mon avis c'est Grasse Mat mais version XXL. Manu dans le 6-9, le retour lundi. D'ici là je garde la boutique, bien content d'être avec vous là ce matin. Je m'appelle Anto, bon réveil, bon courage, je suis bossé en ce 1er novembre. Là, on va se faire le jeu des 5 mots comme chaque matin à 7h40, le meilleur jeu radio du monde avec Nico du Web qui s'y colle ce matin. On écoutera Calvin Harris juste après la suite de ce best-of. NRJ, c'est Manu dans le 6-9. J'ai trouvé sur internet une liste de choses qui ont le don de nous énerver. Ah. Exemple, le zip de la fermeture éclair qui se coince. Ah ouais, ouais. C'est relou. Pourquoi ? Insupportable. Ouais. Le papier qui colle au chewing-gum. Pourquoi ? Ah ouais, c'est chiant, ça. La gomme trop usée qui dégueulasse le papier. Ouais. Mais c'est vrai, une gomme, c'est censé enlever les trucs. Des fois, la trace de la gomme, elle est plus importante que le crayon. L'autocollant impossible à retirer sur la vaisselle. Alors ça... Ouais. Ah. Ça, alors excusez-moi, parce qu'en ce moment je fais beaucoup d'achats. Ah oui. Ikea, ma nouvelle maison. Mais non, mais parce que oui, parce que je me suis séparé, donc du coup t'es obligé de racheter les choses. Ouais. Sur toutes les assiettes, il y a un putain d'autocollant derrière. À quoi ça sert ça... Mais tu... Non, mais tu passes plus de temps à enlever l'autocollant qu'à dîner, c'est quoi. Ça, Et quand tu l'enlèves mal, t'as toujours quelqu'un qui vient te dire putain, pourquoi tu m'as pas laissé le faire ? Bah fais-le ! Il fallait le faire si toi tu sais mieux faire que les autres. Alors là, je suis seul chez moi. Donc, ouais. Mais tu verras, il y a quelqu'un qui va venir, qui va retourner l'assiette et qui va te dire j'aurais dû le faire. Et j'ai une technique, moi. Tu mets de l'eau bouillie dessus et ça décolle le petit. Bon le petit oui, je vais aller mettre de l'eau bouillante sur moi. J'ai une technique, tu mets le feu à la maison, plus d'autocollant. Ne le faites pas. Dans la liste des choses qui ont le don de nous énerver, il y a aussi avoir les manches mouillées après s'être lavé les mains. Oui. Ah oui. Aussi, alors quand on fait la vaisselle aussi, tu t'en prends plein partout et tout. Ça te mouille au niveau du nombril. On dirait que tu découvres toutes les tâches. Oui. Mais c'est exactement ça. C'est génial. Dans la liste des choses qui ont le don de nous énerver, il y a aussi la mine du crayon qui se pète quand tu le tailles. Ouais. Voilà. Ah ouais. Il y a le draps qui s'enlève du matelas. Oh là là. Mais ça. Ça. Manu, c'est que c'est pas la bonne taille. Ça faut que tu fasses attention. C'est très important quand tu choisis ta housse de couette, tes draps. Tu notes avant les mesures. C'est bon, maman. C'est ça. Tellement. Tu es dans ma chambre. Hein. Et dans la liste des choses qui ont le don de nous énerver, je sais pas pourquoi c'est dans la liste, mais ça me fait rire. Les dodanes. Voilà. Ah oui. C'est vrai que c'est assez relou. Mais parce qu'il y en a, tu vois pas qu'ils sont si gros que ça. Ils sont tout petits et ça te fait complètement bouger la voiture. Et tu dis, putain, je me suis fait avoir. Et tu crois que le mec, quand il met le dodan, il se dit, ça, on va bien les faire chier là. Eh oui. Hey, Bernard, viens, on en met 4. Manu, dans 6-9. Sur énergie. Are you drunk now? Now that judge what I'm doing. Are you high now? To skills that I'm ruined, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Kiss in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Tonight. Bon, ce matin, c'est tranquille, un jeudi férié pour certains, week-end prolongé. Si vous bossez, bon courage. Alors pour tout le monde, petit best-of de Manu dans le 6-9 avant son retour lundi. On va sur un classique pour la suite, le petit train des questions. Il y aura aussi Aya Nakamura. Et là, comme chaque matin, à 7h40, voici le jeu des 5 mots. Bienvenue sur Énergie. Manu. Et les Wawan. C'est Manu dans le 6-9. On a un très beau cadeau pour Laura. Laura, bonjour. Salut Manu, salut les Wawan. Je suis trop contente de vous avoir. Laura, tu vas être encore plus contente peut-être dans 2 minutes si tu gagnes au jeu des 5 mots. Oui. Laura, je t'offre peut-être, si tu gagnes, 2 places pour les Energy Music Awards le 10 novembre prochain. Et c'est pas tout. Le transport, t'habites où, Laura? J'habite à côté de Nantes, à Savenay. Ah oui, c'est de l'autre côté. Ah ouais? Oui. Eh ben, on va te le payer, ce trajet, même s'il est loin. Ou au pire, on payera le bus, ça met 8 heures. Laura, on te paye le trajet et l'hébergement sur place pour toi et la personne de ton choix au Energy Music Awards le 10 novembre prochain. Si tu gagnes maintenant au jeu des 5 mots, et celui qui va tout faire pour te faire gagner, c'est Nico. Oh, la pression! Bah, Nico! Non, tu vas gagner, Nico! Attention! Allez, attention! Oui. Nico sort du studio, il est dans le couloir, il n'entend plus ce qui se passe. Je te rappelle les règles. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en tête. Ensuite, Nico revient, je fais pareil avec lui. Si vous avez un mot en commun, il suffit d'un mot en commun sur 5, c'est gagné. Laura, es-tu prête? Oui, c'est parti. On joue au jeu des 5 mots. Message. SMS. C'est pas un mot, SMS. Texto. J'accepte texto. Réflexion. Intelligence. Studio. Appartement. Pouce. Pardon, j'ai pas entendu. Pouce. Doigt. Papa. Papa. Maman. C'est logique. Ouais. On fait revenir Nico et attention. Yes. Un mot en commun et c'est gagné. Allez. Nico, t'es le meilleur. Ouais, oui, ça va faire. Allez. Attention Nico. Ouais. Waouh. Tout le monde rêve d'aller au Energy Music Awards. Ah ouais, je sais. Laura est à un mot d'y aller avec la personne de son choix, transport et hébergement. Nico, ne nous déçois pas. Je sais. Allez. 5 chances, 5 mots. Vas-y. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Ouais. Message. SMS. Non, c'est pas un mot. Texto. Rob. Oh, on est bon. Oh, on est bon là. Tu sais quoi? Vous avez fait exactement. Pleure, tu pisseras moins, comme disait ma grand-mère. Vous avez fait exactement la même chose. Elle a dit SMS, je lui ai dit c'est pas un mot, elle a dit on texto. Oh, c'est cool. Laura, deux places pour les Energy Music Awards. Transport et hébergement, tout est offert pour toi. Articule. C'est insupportable. On te le dit tous les soirs à table. Tu n'articules pas, on ne comprend pas. Ça va? Oui, trop. Ah bah oui, je vois. Il restait 4 mots pendant que Laura se mouche. Réflexion. Réflexion, pensée. Elle avait dit intelligence. Ouais. Studio. Radio. Elle avait dit appartement. Mm-hmm. Pouce. Main. Elle avait dit doigt. Oh, Et le dernier, papa. Maman. Ouais. Ah, deux mots cadeau. Sur 5. Laura. Ah, génial. Tu seras avec nous au Energy Music Awards dans la salle pour applaudir entre autres Muse, les amis. Wow. C'est classe. Oh, trop cool. Muse qui sera au Energy Music Awards. Wow. Laura, on t'embrasse fort. Bravo à toi. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore. Merci pour tout. Manu dans le 6-9. Manu et tous ces wawa. Sur Energy. Ah. t'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mix. Faudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. Je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bomba. Si vous avez fait chauffer la carte bleue pour Halloween, et mine de rien, ça va vite entre les déguisements, les bonbons, et ben heureusement, il y a Manu dans le 6-9 pour doubler votre salaire. Chaque matin, Manu, il fait salaire x2 à 7h05, il remet ça ensuite à 8h05. Inscription sur energie.fr pendant qu'on écoute Jane, et puis la suite du best-of, je l'avais promis, voici le petit train des questions. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Allez vite, on se lève et on va à l'école. C'est le petit train des questions, le premier de la rentrée. Le principe est très simple, je vous ai posé il y a un petit quart d'heure. Trois questions. Ouais. 0870-42-48, vous avez eu ce petit quart d'heure pour nous appeler et pour y répondre. Ouais. C'est parti, nous rentrons dans le petit train des questions. Ouais. Première question, je vous la rappelle. Quel est pour vous le vêtement ou accessoire le plus ringard au monde? Vous ne devez en choisir qu'un seul. Ah. Paulette. Le pantacourt. Surtout s'il est kaki avec des poches sur le côté. Je suis d'accord. Ah, ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai. Merci. Et pour peu qu'on lui rajoute un petit élastique là au niveau des genoux. Ah ouais, il faut que ça disparaisse. Le pantacourt, c'est vraiment le truc, le cul entre deux chaises. Ah, mais c'est, ça ne va pas. T'aimes pas les pantalons, t'aimes pas les shorts, pantacourt. Bah, ouais. Même Brad Pitt avec un pantacourt, je sors pas avec lui. Oh. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais. Alors que moi, Angelina Jolie avec un pantacourt, j'y vais quand même. Julie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Énergie, Julie. Quel est pour toi le vêtement ou accessoire le plus ringard au monde? Eh ben moi c'est le slip kangourou. C'est juste rédhibitoire. Ça me fait trop penser à Thierry Lhermitte, tu sais, dans Les Bronzés. C'est juste horrible. Je sais pas si ça doit se vendre encore, le slip kangourou. Mais ouais, c'est celui avec la poche là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pratique, pratique en fait. C'est pratique. Pourquoi? Mais je vois pas l'intérêt. En fait, il y a rien de pratique. C'est quand même plus simple de baisser que de sortir le truc, d'aller mettre la main, récupérer le. Ouais, mais t'as une option supplémentaire. Ah. T'as une option supplémentaire. Ah, ouais. C'est tout. Bah. Toi, t'achètes tes slips comme t'achètes des voitures, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Je paye l'option. Ouais, le slip, il est toute option. Merci de nous avoir appelé, Julie. Bah tiens, Nico, pour toi, l'accessoire ou le vêtement le plus ringard au monde, sachant que Nico, c'est peut-être le mec qui s'y connaît le plus en mode dans l'équipe. Ouais. Mais alors non, ce qu'il faut surtout pas porter, c'est le fil pour les lunettes là. C'est pour attacher les lunettes. Aux branches là. C'est vrai ça. Ça c'est pas bien, je comprends pas. Mais parce que tu vas pas les perdre. Mais tes lunettes. Et surtout si tu les. Non mais en général, si tu les perds les lunettes, c'est que tu les as posées quelque part. C'est si tu les perds pas sur toi. Oui, mais le pire c'est ceux qui les font pendouiller là du coup là. Non, le pire c'est ceux qui les font pendouiller avec le fil et qui les remettent pour lire quelque chose et qui les remettent. C'est ça. Ouais. Ça c'est compliqué. Ou alors même qui sont tellement pervers qu'ils prennent le fil avec les lunettes et qui les mettent sur la tête. Mon Dieu, deuxième question. Petit train des questions, question numéro 2. Quelle sensation non sexuelle est incroyablement satisfaisante? Isabelle? Marcher pieds nus dans l'herbe fraîche. Ah ouais. Oh, rien que d'y penser, je te jure, j'adore. Ouais. J'aime bien quand tu parles comme ça. Qu'on amène de l'herbe fraîche. Julien, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les wawa. Quelle sensation non sexuelle est incroyablement satisfaisante? C'est quand tu te retiens depuis des heures et des heures de faire pipi et qu'enfin tu peux aller faire pipi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Mais ça, C'est tellement bon. Ouais. Tellement c'est un bonheur. C'est vrai, tout le monde a ce petit cri de oh. Ah ouais, c'est bizarre. Oh là là, mais je peux me retenir pendant des heures juste pour avoir ce oh. Tu veux faire l'amour? Non, je me retiens de faire pipi. Merci de nous avoir appelé, Julien Glandu. Pour toi, quelle relation, quelle sensation non sexuelle est incroyablement satisfaisante? Pour moi, c'est se coucher dans des draps propres. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, si je changeais mes draps tous les jours, moi je pourrais m'abstenir de relations sexuelles, quoi. Ah ouais? À ce point-là? J'adore. Ah, quand tu te glisses dans les draps propres, là, tu fais oh. Ouais, mais ça dure que deux secondes. Ouais, comme l'amour. Bon, ouais. Troisième question du petit train des questions. Quel travail seriez-vous incapable de faire, même si vous aviez 10 fois votre salaire? Paulette. Danseuse de lap dance. Ah, je pourrais pas. J'ai aucune force dans les bras. Donc ce serait ridicule, je ferais que tomber. Je serais pas du tout sexy. Du coup, ils te donneront absolument pas 10 fois ton salaire. Effectivement. Marine, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wawin. Quel travail serais-tu incapable de faire, même si tu avais 10 fois ton salaire? Alors moi, le travail que je serais incapable de faire, c'est médecin. J'aime pas le contact physique avec les personnes que je connais pas. Ah oui, du coup, c'est compliqué. Et en plus, j'ai la phobie des aiguilles, donc ce serait pas du tout possible. Effectivement. Quand t'es médecin, ne pas aimer toucher les gens, c'est compliqué. Je vais vous ausculter, mais de loin. Écoutez, là, franchement, quand je vous regarde comme ça de 5 mètres, tout va bien. Merci, vous me devez 20 euros. Merci de nous avoir appelé, Marine. Belle journée à toi. Isabelle, quel métier tu pourrais ne pas faire, même 10 fois ton salaire? Travailler dans un abattoir. C'est affreux. Ah. Moi, même les moustiques, j'ai peur de les tuer. Enfin, ça me fait presque de la peine. Ouais, non, je comprends. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. On se quitte là-dessus. Ouais. Sans transition, ce soir au cirque. Non, mais t'as raison. Manu dans le 6-9. Énergie, coco, go. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, I keep my tears tight in my fist. For your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun. On board, I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be. Elle a confirmé sa présence. Elle sera là le 10 novembre à Cannes pour l'Energy Music Awards. Et oui, aujourd'hui, jeudi férié, on va vous offrir vos places pour être sur la croisette samedi prochain. Ça va peut-être tomber avant 9h30 dans le best-of de Manu dans le 6-9. Double hit Black Eyed Peas. Dès que vous l'avez, vous appelez super vite le 3937. D'ici là, il y a les concons du genre qui arrivent à 8h10. Avec une fois de plus, je vous l'annonce, une cuvée exceptionnelle. On écoutera MHD et puis les infos sur Energy. Ce sera à 8h. Bon réveil. Les plus gros hits

Allez, on dit stop à la clope. Jeudi 1er novembre, c'est le mois sans tabac qui débute aujourd'hui. Troisième édition cette année. Il y a 12 millions de fumeurs en France. Les femmes fument de plus en plus. Ah, si vous voulez arrêter, vous pouvez vous inscrire sur le site Tabac Info Service au programme des conseils et des encouragements. Petite info pour vous booster ce matin. Un mois sans tabac multiplie par 5 les chances d'arrêter définitivement. La Coupe de la Ligue de foot, les nouvelles qualifications hier pour les huitièmes de finale. Guingamp est passé au tir au but après un nul 0-0 contre Angers. Ça passe aussi pour Nice qui s'est imposé 3-2 contre Auxerre. Deux pensionnaires de Ligue 2 se sont distingués. Orléans a signé un petit exploit en battant Reims, là aussi sur tir au but. Lorient élimine Toulouse, 1-0. L'hécatombe des Français au Master de tennis de Paris-Bercy, ils ont tous été éliminés hier. Raphaël Nadal lui a déclaré forfait à cause d'une blessure. Il laisse sa place de numéro 1 mondial à Djokovic. Les huitièmes de finale débutent aujourd'hui. Enfin, une nouvelle série en vue sur Netflix. Le tournage de The Witcher vient de débuter en Hongrie. Le sorceleur en français. Le héros sera interprété par Henry Cavill, l'acteur des Tudors ou le Superman de Man of Steel. Et il revêt le costume de Gérald de Rive, un chasseur de monstres solitaire qui va rencontrer une puissante sorcière et une jeune princesse. Sur Twitter, on a même une première vidéo du comédien dans son nouveau rôle et ça le change, avec une veste noire cloutée et une chevelure argentée. Bon réveil, bon début de journée sur Énergie. Et lundi matin, il sera de retour avec toute l'équipe. Isabelle, Paulette, Glandu, Nico du Web. Retour de Manu dans le 6-9 lundi matin. D'ici là, bon réveil. Moi, c'est Anto. Jeudi férié avec, pour beaucoup, week-end prolongé. Donc ça, c'est cool. Le best-of qui continue. Les concons du jour, ça arrive à 8h10 avec du collector à s'écouter ce matin. MHD pour les hits. Et juste avant sur Énergie à 8h05, de l'argent pour vous avec Manu qui double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Energie.fr, manudans69.com ou l'application Manu dans le 6-9. Oui, yes. Pour vous inscrire, et je vous rappelle que c'est totalement gratuit quand vous vous inscrivez. Il n'y a pas de numéro surtaxé, non. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas à faire milliards de choses. Non, c'est gratuit. Et tous les matins, on vous appelle. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Rémi habite Vernoux-sur-Brenne, c'est en Indre-et-Loire. Il a 28 ans et il touche 1374 euros chaque mois. Rémi, on t'appelle maintenant. Oui, Rémi. Oui, tu es l'homme du jour. Attention. Ça sonne chez Rémi. Ouais. Il faut que ça décroche. C'est la première étape. Hein. Ouais. Sinon, forcément, s'il parle alors qu'il ne décroche pas, Rémi. Ça, on va pas l'entendre. Ça ne marchera pas. Ouais. Rémi. C'est un peu stressant. Hein. Ah ouais. Rémi, t'as attendu 4 sonneries avant de décrocher. Qu'est-ce que tu faisais? Ah bah j'attendais. Ah d'accord. L'homme qui veut prendre des risques. Rémi, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? Manu sur Énergie! Eh bah oui! Et je t'annonce, Rémi, que ton salaire, on va le doubler. Tu touches chaque mois 1374 euros. Ça va faire pour toi 2748 euros. Bim! Ah, nickel! Ah, nickel, c'est bon! Parfait! Ah, ça, c'est nickel, là. Alors, la Manu, nickel! Hein, vraiment. Ah, chapeau! Hein, chapeau. Ah, je veux dire un truc, ça m'arrange bien! Rémi, 2748 euros pour toi. Tu es agent voix SNCF. C'est ça, je m'occupe de la maintenance sur les rails. Ah, tu vérifies les rails si ça tient toujours, quoi. En fait. Ouais! C'est ça, non? Ah bah changement de traverse, changement de rail. Ouais. Ah, oui, ça de d'accord, donc tu passes avant qu'il soit trop tard en fait. Donc c'est bien. Non mais c'est bien, c'est du ça. Coup. Non mais c'est ouais, important c'est... quand ouais. même hein. Ouais, avant que ça déraille. Oui c'est mieux. Parce que franchement Rémi, si t'arrives après que ça déraille, à part dire oups, qu'est-ce que tu veux faire hein. Donc c'est mieux. Et question con Rémi, quand tu veux faire pipi, tu vas où hein? Au quand bord il... des voies. Partout quoi où on peut. Au bord des voies. Bah oui, c'est bah oui, il travaille sur la voie au milieu de la campagne. Ah, mais j'imagine, t'as un train avec 500 personnes qui passent. Oui, mais il passe vite le train. T'as pas le temps de voir. Voilà, c'est ça. Hein. Tiens, c'est rare qu'un train s'arrête pour dire mesdames et messieurs, regardez à droite. Rémi fait caca. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais tu m'as demandé, je te réponds. Hein. Isabelle. Oui, Rémi, est-ce que t'as une petite trompette sur toi? Pardon? Oui. Quoi, hein? Pourquoi? Alors, excuse-moi, alors pardon, soit vous connaissez, vous avez personnellement une petite trompette. Mais oui, Manu, parce que moi je prends le train tous les jours et tous les jours je vois des mecs sur les voies avec des petites trompettes accrochées à leurs pantalons. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Enfin, t'as une trompette pour faire l'annonce des trains en fait. Comment ça? On a des trompes ceinture en fait. pour annoncer les trains quand ils arrivent, du coup, bah, pour dire que tout le monde dégage des voies. Ah, sécurité. Ah, voilà. Et oui, c'est pour ça, souvent, quand on est assis au bord des voies, bah, tout le monde se dit, bah, en gros, on fout rien, mais alors qu'on on va pas bosser sous le train. Quoi. Ah ouais. T'es un peu feignant, du coup. On est souvent assis, du coup. Et donc, excusez-moi, c'est Bernard, il a sonné la trompette, c'est une blague. Quand il y a un train qui arrive, vous avez, ok, donc t'as une trompette, ça prévient quelqu'un qui lui-même va sortir sa trompette, qui prévient quelqu'un, etc. Et tout le monde se pousse pour ne pas que le train les écrase. Ah ouais. Et vous faites des petites mélodies parfois à la trompette, des petits bœufs. Ouais, ça nous arrive. Ah. Tu l'as pas là ta trompette sur toi par hasard? Si, j'en ai une dans le coffre, là, du coup. Ah, bah attends, j'en cool. Trop bien. Ah, ouais. Excusez-moi, je n'ai jamais entendu le son d'une trompette d'un agent des voies SNCF. Ouais. Vas-y. T'as jamais entendu? Bah non. Tu veux que je chauffe la coupe? Bon, ah bah vas-y, vas-y. Ouais. Envoie. T'es prêt? Bah oui. Allez. Non. Bon. Voilà, tu l'as entendu. Alors, tu feras pas The Voice. Ouais. Sauf que là, il y a 17 morts. Là. Tu dis ça, c'est... Merde. J'ai jamais été bon à l'école en musique. Enfin, Rémi, on t'a expliqué comment sonner dans la trompette. Là, t'as pas sonné. Du coup, regarde, elle est tous. Il y a 300 personnes. Là, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'on va faire, Rémi, la trompette? Il faut pas avoir 3 armes pour souffler dedans. Oui, apparemment. Oui. 2748 euros. On te double ton salaire, Rémi. De quoi te prendre des cours de trompette. Merci. Et on a appris un truc aujourd'hui. Quoi. Mais oui, c'est énorme. Bravo à toi Rémi, belle journée. Bah merci, vous aussi. Tous les matins sur Énergie, 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Aïe, aïe, aïe, aïe. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Seeing you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy. Yeah, with your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my head, they go, baby girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chier là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur, elle l'a mis game over. C'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Il est 8h10, le petit café qui va bien et un bon best-of de Manu dans le 6-9. Alors vu que c'est jeudi avec Manu et toute l'équipe, bah, le jeudi on dit merci. Oui, par exemple, merci le calendrier d'avoir mis le 1er novembre un jeudi, comme ça pour beaucoup c'est week-end prolongé. On écoutera Kaiser Panda, mais juste avant, comme chaque matin à 8h10, ils sont là, voici les concons du jour. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu et les ouais, ouais, ouais. Voici les concons du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. Nous partons à Alès. Un homme totalement bourré au volant est arrêté par la police. Et quelques heures plus tard, son meilleur ami vient le chercher pour le ramener chez lui. Problème, l'ami est venu en voiture, il se révèle être encore plus bourré que le premier. Oh non. 2,3 grammes d'alcool dans le sang. Il a été arrêté et du coup, il a rejoint son ami qui était en cellule qui l'attendait. Oh là là. Concon est très dangereux en même temps. Exactement. Oui. J'imagine la discussion en cellule des deux. Mais Bernard, t'es con. Bah, et toi plus. Hein. À Toulouse, un homme en colère n'est pas. Enfin, un homme est en colère parce que sa carte bleue a été avalée par le distributeur de billets. Et là, le mec va dans sa voiture et il sort une batte de baseball parce qu'il est en colère. Et il tape sur le distributeur de billets, il le ruine et il part. La police arrive sur les lieux, parce qu'il y a une alarme qui se déclenche, et trouve sur place une télécommande de portail. Ouais. Ils se disent, c'est peut-être la télécommande du portail que le mec a oublié. Ouais. Et là, un policier, par curiosité, appuie sur la télécommande. Ouais. Et le portail voisin de la banque s'ouvre. Le mec habitait en fait juste à côté. Mais non. Petit plus, la carte bleue avalée était une carte bleue volée. Oh, wow, l'enquête la plus facile du monde, quoi. Exactement. Ils ont halluciné. Ça doit être encore les rapetous. Bravo, Picsou. Dernier concours du jour, ça se passe aux États-Unis. Un homme a été arrêté par la police à sa maison. Parce que la police, en arrivant dans sa maison pour une perquisition, s'est aperçue que le mec avait de la drogue à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Et quand les policiers ont vu la drogue, le mec a dit « Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, c'est pas moi, ça. Ça, c'est les fantômes qui l'ont mis là. » Mais oui, et croyez-le ou non, la police ne l'a pas cru. C'est étonnant. Étonnant. Ouais. Manu dans 6-9. Je vous adore, les wouah. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Girls like you, girls like you. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Un, deux, tres, go. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá. fiesta ni te llama. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente marcha, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. No llego todo ya, pipura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero un ritmo sin ley. Courage, vous bossez ce matin, ce jeudi férié. C'est le meilleur de Manu dans le 6-9 avec vos messages que vous lui laissez, notamment sur l'application, l'appli Manu dans le 6-9, et notamment pour passer un coup de gueule. Et pour certains, ce coup de gueule se fait en chantant. La preuve dans quelques minutes, avant ça, 3 cafés gourmands. Et puis là, sur Énergie, à 8h18, voici la suite du best-of. Manu, Manu. Manu et les ouais-ouais, on vous aime. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Le jeudi sur Énergie, on dit merci. Yes. Ouais. À qui voulez-vous dire merci? 0870 42 48 ou sur Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9, il y a Maël qui dit merci à mon voisin qui est allé récupérer mon chat coincé dans un arbre. Oh, oh, c'est clair, gentil. Est-ce qu'ils ont les chats à être coincés dans les arbres? Ah ouais. Et alors, j'ai une théorie là-dessus, ils veulent pas qu'on les décoince. Ils sont pas coincés en fait. Ah ouais, ils ah sont ouais là-haut juste pour qu'ils mobilisent les pompiers, pour qu'on aille les sauver, pour pas qu'on sauve des gens. Ils ah veulent non détruire les humains. Merci, oui, d'avoir, ouais, merci de m'avoir écouté. C'était mon TED. Belle journée à vous. Vous voulez dire merci à qui, Glandu? Moi, je voudrais dire merci au barman qui m'a fait ma pinte au prix Happy Hour, alors que l'Happy Hour finissait à 20h et qu'il était 20h03. Waouh! Oh, sympa! Ouais, ah ouais, sympa. Mais je suis un argument imparable. J'ai dit, j'étais devant le bar à 19h59. J'ai oui, attendu que vous me serviez. Oui, enfin, tu peux être au bar de, par exemple, de 14h à 23h. Ouais. C'est pas pour ça que ouais tu auras tout le temps les Happy Hour. En tout cas, ça a marché ce coup-ci. Hein. D'accord, très bien. Je réessaierai. C'est un petit plaisir. Ouais, sympa. À qui oui, oui, merci. Virginie, bonjour. Salut Manu! Et ben moi, je voudrais dire merci à ma factrice. Oui. Parce qu'elle signe mes recommandés et elle me les met dans ma boîte aux lettres en mon absence. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller faire la queue à la poste. Oh, trop sympa. Ta factrice les signe à ta place. Mmh. Oui. Ah, c'est bien, je sais pas si c'est légal, mais c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Pas du tout, mais c'est très pratique. Génial. Okay. Génial. Alors, là, ça n'engage pas. Ça, voilà, c'est entre toi et ta factrice. Oui, voilà. Après, il y a des choses qui voilà sont très pratiques dans la vie, mais qui sont interdites. Hein, je te le rappelle vraiment. C'est vrai que c'est très pratique d'aller dans une bijouterie, de prendre des bijoux non sans les payer. Ça, pas. C'est pratique, mais c'est interdit. Merci de nous avoir appelé, Virginie. Il y a Cyril sur Twitter qui dit merci à mon fils qui m'a couvert face à ma femme en s'accusant d'avoir cassé la manette de PlayStation à ma place. Oh, wow, oh bien. Sympa. Ouais, les enfants bien sont formidables. Ouais. Ah oui, je dis bravo. À qui voulez-vous dire merci, Nico? À ma femme, qui m'a délivré de mes chaussures hier. Comment ça, j'avais un nœud à mes chaussures. J'avais un nœud à mes chaussures et j'arrivais pas à l'enlever. J'ai dû attendre 20 heures. J'y étais depuis 14 heures quand même. J'ai dû attendre 20 heures qu'elle rentre du boulot et qu'elle arrive à enlever ce putain de nœud que j'avais sur mes chaussures. Mais tu peux pas l'enlever avec un nœud, ta chaussure? Ah non, j'y arrivais pas. C'était quoi comme chaussure? Bah, c'est mes chaussures que j'ai là, mais je les sers beaucoup trop. Et je le sais, hein. Et je me suis fait avoir. Je me suis fait prendre à mon propre piège. J'ai dû faire une sieste hier après-midi en chaussures, mec. Mais non. Je te jure, non, mais j'étais pas bien. Tu sais, je suis un peu claustro des pieds et tout. Et là, Arrête là. Non, mais j'étais pas bien. Attends, c'est quoi? C'est la phrase de la. La phrase de ce jeudi 4 octobre, c'est Nico, je suis un peu claustro des pieds. Il y a Paul sur Twitter, hashtag Manu dans le 6-9, qui dit merci. Merci à ma maman qui fait le ménage chez moi toutes les semaines. Oh cool, c'est bien. C'est tellement pratique. Ouais. Oui. Laetitia, bonjour. Salut Manu, salut les wawas. Salut. Bienvenue sur Énergie. À qui veux-tu dire merci? Alors, moi, je suis coiffeuse à domicile et je voulais dire merci à Claude. Claude, c'est un client qui, à chaque fois que j'arrive chez lui, que ce soit à 9h du mat ou 5h d'après-midi, j'ai la bouteille de vin blanc sur la table, quoi. Ah. Attends, c'est-à-dire que donc Claude boit beaucoup, ouais. Peut-être un peu trop, et toi, voilà, tu viens le coiffer chez lui, tu es coiffeuse à domicile. Voilà, mais juste un truc pour nous rassurer, le vin blanc, là, vous le buvez après avoir coiffé? Ouais. En général, je m'autorise à partir de 11h30. Voilà, 9h, donc, 9h, je dis non. Non, mais tu le coiffes en ayant bu? Non. Non, après. Ouais, mais les clients de l'après-midi, ils sont mal barrés, quoi. Ouais. Il faut surtout pas prendre après 11h. Ah bah, c'est-à-dire que, en fait, quand tu demandes à Laetitia de passer chez toi pour te coiffer les cheveux, pour te couper les cheveux, tu te demandes avant, c'était Claude avant ou pas? Merci de nous avoir appelés. Belle journée à toi, Laetitia. Manu dans le 6-9. Oui, c'est Manu, et tous ces ouin-ouin. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent.

Allez hop, le petit café qui va bien. Hop là, 8h40, jeudi férié, c'est le best-of de Manu dans le 6-9. Et avec Manu et toute l'équipe, on va parler de ces choses que l'on a achetées et qu'on a tellement kiffé que du coup, on regrette de ne pas les avoir achetées plus tôt. C'est Manu qui a trouvé une liste de ces fameux objets. Avant ça, 10 euros. Et puis là, 8h40, voici les sondages du jour. Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Comme chaque jour, voici les sondages du matin. Yes. 25% des gens qui ont cet animal à la maison lui parlent tous les jours. De quel animal il s'agit, Isabelle? Bah, un petit chat. Non, non, mais là, attends, c'est un animal spécial. Hein. Sinon, ce serait pas... chat, tout le monde lui parle, en fait. Alors, une tortue d'eau. Ah, voilà, là, on commence à toucher un truc un peu intéressant. Alors, c'est pas ça, mais tu sais quoi? T'es pas loin de la vérité. Une tarentule. Une tarentule, non. C'est quelque chose qui est dans l'eau. Oui, effectivement, parce que s'il n'est plus dans l'eau, ça sert à rien de lui parler, il est mort. Mais c'est un poisson. Eh bien, c'est un poisson rouge, tout simplement. 25% des gens qui ont cet animal à la maison lui parlent tous les jours. Un poisson rouge. C'est marrant parce qu'il n'y a pas trop d'échanges, quoi. Un chat, il peut y avoir un délire, mais là. Bah oui, mais le poisson rouge, il n'entend même pas, il est sous l'eau. Ouais. Toi, non, mais imagine, t'inverse. Ouais. T'as un poisson rouge qui est dehors et toi, t'es sous l'eau. Bah, tu l'entends pas. Ouais. Si ça se trouve qu'on est sous l'eau, les poissons nous parlent. Je pense que les poissons, ils doivent se dire, mais qui est con à essayer de me parler, mais je l'entends pas. File-moi à bouffer, putain. Mais c'est exactement ça. Ouais. Si ça se trouve, les poissons rouges, ils nous regardent comme nous, on les regarde. Ouais. Eh, viens voir, Bernard, regarde les cons, là, dans leur bocal. Regarde ces abrutis, ils se vautrent dans le canapé en se grattant les yeux. On va enchaîner. Une personne sur deux a déjà porté ça. Une personne sur deux a déjà porté ça. Ça, c'est quoi? Un déguisement pour faire l'amour? Non, c'est pas ça. C'est un accessoire homme et femme ou pas du tout? C'est un. Alors, on peut appeler ça un accessoire. Ouais. Homme et femme, oui, c'est les deux, oui, absolument. Un nœud papillon? C'est pas un nœud papillon. Une gourmette? Normalement, ça. Enfin, si on se retrouve avec. C'est qu'il y a une bonne raison. Ah, normalement, ouais, c'est pas classique du tout. Hein. Et ça m'étonne d'ailleurs qu'une personne sur deux en ait déjà mis. Et c'est pour un événement de ta vie ou pas? Ça peut être. Genre c'est un mariage, c'est pas vraiment un événement. Non, c'est t'as fait quelque chose et tu te retrouves avec. Ou alors il y a aussi un côté. T'as fait quelque chose de mal? Oui, a priori oui. Des menottes. Des menottes, exactement. Ah, ouais. Une personne sur deux avoue avoir déjà porté des menottes. Ouais. Soit parce que t'as été arrêté. Soit les jeux un petit peu olé olé quoi. Ou dans un escape game, des fois tu te fais menotter. Il y a beaucoup de situations en fait. Quand on réfléchit, on peut être menotté. Okay. Ouais. Qui a déjà porté les menottes ici et pourquoi? Une personne sur deux en a déjà porté. Paulette? Bah oui, mais parce que j'ai un oncle qui est commissaire. Du coup, je voulais essayer. Il m'a accroché pendant 4 ans. Commissaire et serial killer. Vous avez déjà porté les menottes? Mais juste comme disait Glandure, l'escape game quoi, c'est tout. Ouais. Mais sinon, j'ai jamais tenté la chose. Si, moi j'ai déjà fait coquin, les menottes coquines. Ah, avec la petite fourrure là? Mais c'est de la merde, ça sent. Ouais, c'est ça, mais ça s'enlève en fait, c'est de la qualité, c'est de la... Oh. C'est nul quoi, donc ça se souffle tout seul. C'est pour ça qu'ils en mettent pas à la police quoi, ils mettent pas celle-là, tu vois, avec la fourrure. C'est de la mauvaise qualité. Je te mets des menottes. 17% des gens disent n'avoir pas fait ça depuis plus d'un an. D'après vous, de quoi il s'agit, Isabelle? Se couper les cheveux. C'est pas ça. Le ménage? Non. Oh merde. Oh là là. Non plus. Du sport? C'est pas du sport. Fais leur lit. Fais leur lit non plus depuis plus d'un an. Ouais, c'est dur quand même. C'est un truc que tu fais seul? Oui, tu fais seul. Alors ça va pas, je voulais dire aller au cinéma. Non, moi, effectivement, tu peux aller seul au cinéma. C'est triste, mais pourquoi pas. Non, c'est pas triste d'aller seul au cinéma. Non. Tu te fais pas chier avec quelqu'un qui t'interrompt tous les deux secondes. Excusez-moi, hashtag ma vie. C'est un plaisir ou pas? Ah oui, c'est un plaisir, absolument. Ouais. Ah, ça te fait du bien? Oui, quand tu le fais, je pense que les gens qui le font, effectivement, ça leur fait du bien. Tu le fais toi ou pas déjà? Alors moi, honnêtement, j'avais plus d'un an que je l'ai pas fait, clairement. Je suis dans le truc. Oula. 17% des gens disent ne pas l'avoir fait depuis plus d'un an, c'est lire un livre. Alors honnêtement, j'ai pas lu de. Alors je l'avoue, je n'ai pas lu de livre depuis plus d'un an. Glandu? Un guide de voyage, ça compte? Non. Okay. Paulette? Moi j'en ai lu 6 cet été et là je suis dans un nouveau. Oh, c'est bien. C'est quoi le nouveau? Le nouveau, c'est Perle de moi. C'est nul. J'ai arrêté. Et tu sais quoi, tu m'as vraiment donné envie de prendre un bouquin. Manu dans le 6-9. C'est rigolo! Tous les matins sur Énergie. This is what we're waiting for. 8h47 sur Énergie, soyez les bienvenus, jeudi férié, donc tranquille, hein, comme Manu et toute l'équipe, eau chaude sous la couette. Et alors, vu qu'aujourd'hui c'est jour férié, on va parler de drague et plus précisément des lieux de drague les plus improbables. Il y aura les infos de Glandu évidemment tout à l'heure à 9h10. On écoutera Kenji. Et puis juste avant sur Énergie, voici la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Coucou, c'est Lily Rose, mon papa c'est Manu. C'est lui qui m'a appris à dire caca. Sur Énergie. Nous allons parler des choses qu'on a achetées et on s'est dit, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt ? Ah ouais, ouais, okay. J'ai trouvé ça sur le site Reddit, qui est le site sur lequel je vais tous les jours. Ouais. Qui est un site extraordinaire, qui est une sorte de forum de discussion mondiale sur tout et rien. Ouais. Voilà, tu t'emmerdes, tu vas sur Reddit, tu fais « Oh là, ça fait déjà 5 heures que j'y suis ». Ouais, c'est génial, et tu débats tout seul. Tu sais, avec les gens qui répondent, tu te fais des petits débats tout seul devant ton écran. J'adore, moi aussi. Ouais, on est vraiment ça... triste. Hein, c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Alors, j'ai trouvé une liste de choses que les gens ont achetées récemment. Ils en ont tiré cette conclusion, mais pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt? Un vrai bon couteau de cuisine. Ah ouais, c'est vrai. Le truc qui coupe, quoi. Tu peux, hop, tu peux découper tes machins, ouais. Ça marche. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mais c'est vrai que tu le découvres seulement une fois que tu l'as acheté. Ouais. Tu te rends compte qu'il y a un avant et un après, quoi. Un couteau en céramique, là, c'est incroyable, ça coupe tout seul. Mais d'un coup, tu fais putain, on peut couper une tomate du premier coup. Ouais. On n'est pas obligé d'appuyer dessus, ça s'écrase pas. T'as pas le truc qui t'arrive dans l'œil, non. Tu peux vraiment la couper d'un coup. Par contre, attention aux doigts. Moi qui suis maladroit, du coup, faut faire 10 fois plus gaffe, quoi. Ouais. Effectivement, ça coupe bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Les conseils de Glandu, attention, les couteaux, ça fait mal aux doigts si on se coupe le doigt avec. Et tout de suite, un autre conseil de Glandu assez important, avec les températures qui baissent, couvrez-vous plus. Dans la liste des choses qu'on a achetées, on se dit, mais pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt? Il y a aussi du papier toilette qualité supérieure. Ouais. Ah ouais. Ça, je vous en ai déjà parlé, j'ai un amour pour ça. Voilà. Il y a une tondeuse de poils de nez. Ah, ça c'est vrai que c'est génial, c'est une petite révolution, mais t'en parles pas trop à tes proches. Ouais. Non, mais je vous avais dit que ma femme, mon ex, peut-être à cause de ça, m'avait offert une tondeuse de poils de nez. C'est trop bien, c'est trop bien. En fait, c'est un petit truc qui coupe les poils comme ça, tu fais clac clac, tu le rentres dedans. Ouais. Et ben en fait, c'est pas mal. Ouais, mais c'est génial. Tu vois. Mais c'est vrai que quand on te l'achète, le message est pas ouf. Ouais, c'est ça. Bah non, le message il est clair. Hein. Oui, il est là. On peut pas te dire, je te l'achète, mais tu t'en serviras pas. Non, c'est vrai que t'as les poils du nez qui ressortent, madame. Mais non, mais faut pas le prendre comme ça. C'est une preuve d'amour aussi d'avoir envie que t'aies pas les petits poils de nez qui sortent. Moi, franchement, vous êtes susceptibles, les garçons. Hein. Ouais, mais je vais t'offrir des gants de toilette. Pourquoi faire Non, des gants de vaisselle, je voulais dire. Oh merde. Raté. Bon, tant pis. Bah, va les rater. Mais non, mais c'est vexant. Mais ouais. Ça peut servir. Ouais. Et enfin, en bas de la liste des choses qu'on a achetées, on se dit, mais pourquoi j'ai pas acheté ça plus tôt? Il y a un aspirateur qui fait tout seul. Wow. Ah mais oui. C'est Glandu qu'à ça. Ouais, j'ai acheté ça il y a 3 mois, c'est incroyable quoi. Plus besoin de femme de ménage, paf, il y va. Par contre, il se bloque souvent, il se prend dans les fils, il se bloque. Ah. Ça, attention, hein, les constructeurs, je passe un message, faites gaffe. Ok, merci. Ouais. Qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement et vous vous êtes dit, waouh, ça a changé ma vie, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Yannick, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les mamans. Salut. Bienvenue sur Énergie, on t'écoute. Alors moi Manu, la chose qui a changé ma vie, c'est le lave-vaisselle. Ah, mais alors Yannick, c'est la première fois que t'achètes un lave-vaisselle? Ah ouais, ouais, c'est dingue. C'est génial. Mais alors, mais je suis tellement avec toi. La première fois que t'achètes un lave-vaisselle, mais ça, t'as l'impression que tu gagnes de la vie. Tu gagnes des minutes, voire des heures de vie. Et ce qui est génial, c'est que même si t'as qu'une assiette, tu mets tout dedans. Ah ouais. T'as envie de tout laver au lave-vaisselle. C'est fou. C'est vrai, tu ressors ton assiette, tu te dis, elle est pas si propre que ça, celle-là. Je vais le refaire faire un tour. Et tu salis, tu salis, tu salis, tu salis. Et tu restes devant et t'écoutes le bruit. Tu dis, oui, ah, c'est génial. Bien. On pense un peu à l'écologie là quand même, on s'emballe avec le lave-vaisselle. Non, parce qu'on lave, on lave, on met de l'eau, on met de l'eau. On se calme. À un moment, tu veux mettre quoi? À part de l'eau, tu veux mettre de la terre? Arrêtez de faire des lave-vaisselle toutes les 2 minutes aussi. Ah. Non, fais pas toutes les 2 minutes. Je dis que la première fois, t'es fougueux, quoi. Ouais. On est d'accord, Yannick? On est d'accord. Surtout lorsque tu appuies sur le bouton on-off. Oui. Oh là là, ouais. Il y a pas de bruit chez toi. T'appuies, ça fait. Oh, c'est bon ça. C'est vrai que t'as envie d'inviter tous tes potes à manger, quoi. Tu dis, venez les gars. Mais c'est, oui, c'est moi qui régale, je fais la vaisselle. Et bouffez crade, allez-y. Écrasez de la sauce partout, j'ai un lave-vaisselle, je m'en fous. Merci de nous avoir appelé, Yannick. Qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement et vous vous êtes dit, ah ah, ça a changé ma vie? Une gaine. Non, Paulette. Non. Quoi? Oh. Tu peux pas dire ça, Paulette. Mais non. Non, mais attends, mais tu crois quoi? Il y a même des mannequins qui portent des gaines. Hein. Alors, excuse-moi, mais les seuls endroits où je vois des gaines, ouais, c'est dans les pubs quand je tombe sur France 3 et qu'il y a Derrick. Eh ben non, il ouais, ben y en a partout maintenant. Ouais. Dans tous les magasins. Non. Même dans les magasins de lingerie, il y a des gaines. Mais non, en fait, ça te permet de porter des robes extrêmement moulantes. et sans rentrer le ventre de la soirée. Me regarde pas quand tu dis ça, je mets pas de robe extra-large. Tu devrais peut-être essayer la gaine, c'est mais sympa. Les seuls endroits où je vois des gaines, c'est vraiment dans les écrans pubs de l'après-midi à la télévision. Ouais. T'as ça et t'as aussi l'escalier qui monte là. Le stana. Le fauteuil qui monte dans l'escalier pour les vieilles personnes. Et tu serais surpris de savoir qui porte des gaines. Je suis persuadée qu'il y a des stars qui portent des gaines. On va pas se mentir, j'ai rien contre les gaines et les gens qui portent des gaines, mais un premier rendez-vous, c'est quand même pas le truc le plus sexy du monde. Ouais. Ah, mais tu le dis pas, mais tu l'as pas. Oui, mais si tu ramènes. Ça se voit, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ah oui, ben, au premier rendez-vous, moi je couche pas, donc voilà. Okay, tu verras pas ma gaine. Oui, mais, du coup, au premier rendez-vous, tu mets ta gaine. Ouais. Donc tu dis, waouh, voyons cette fille. Mais au deuxième rendez-vous, tu te dis, je vais peut-être coucher, tu la mets pas. Voyons, bah, alors plus les seins. C'est ça. Bah oui, non, mais tu mens un peu là. Ouais. Mais tu mets une robe moins moulante, quoi. Ouais. Malu dans le 6-9. C'est les ouin-ouin du matin sur Énergie. Énergie. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Kenji sera là à Cannes pour les Energy Music Awards. D'ici là, vous votez sur energy.fr. Et puis là, surtout, ne bougez pas. Dans la suite du best-of de Manu dans le 6-9, on va parler de drague et plus précisément des lieux de drague les plus improbables. Les infos de Glandu arrivent à 9h10. Vita Slimane, tout ça juste après les infos, les vraies, à 9h sur Energy. À tout de suite. Gagnez vos invitations aux côtés des stars pour les Energy Music Awards. It's the Black Eyed Peas on NRJ. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec deux titres de Black Eyed Peas à la suite, appelez NRJ 3937 et gagnez vos invitations pour assister aux Énergie Music Awards le 10 novembre à Cannes. Énergie. Hit music only.